إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours numéro 34 dans les durus de Kitab al-Tawhid, l'explication du Kitab al-Tawhid. Aujourd'hui on commence le chapitre numéro 8, ok, et le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im, c'est-à-dire le chapitre de ce qui a été ramené ou ce qui a été rapporté au sujet de Ar-Ruqa et At-Tama'im. Ar-Ruqa, c'est quoi? C'est les incantations, ou bien si on veut, c'est-à-dire quand on récite quelque chose sur une personne pour, comme un traitement, comme pour une guérison, quelque chose comme ça. Et on va voir ce qui a été dit à ce sujet-là. Et At-Tama'im, ça peut être, par exemple, des choses qu'on accroche sur nous-mêmes, comme des amulettes ou des trucs de ce genre. Et qu'est-ce qui a été rapporté donc à ce sujet-là? Et on va lire le chapitre, ok, des paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, puis ensuite on va lire l'explication qui a été faite par le Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet des hadiths mentionnés dans ce chapitre. Il dit Babun fi ma ja'a fi ruqa wa tama'im fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam في بعض أسفاره فأرسل رسولا نعم أو فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت هذا حديث صحيح. Après je vais traduire. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود حديث صحيح. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه أو وكل إليه حديث حسن. Donc on va lire, je vais traduire ces trois hadiths ou ces trois narrations qu'on a lues, puis le reste je vais le lire ensuite. Dans le Sahih, je pense que c'est Sahih Muslim, c'est le hadith selon Abi Bashir al-Ansari qui dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un comme un autre des compagnons, ou un compagnon comme un messager. Et il lui a donné comme mission de ne rien laisser, c'est-à-dire de ne laisser aucun collier ou aucune chose qui est accrochée dans le cou d'un animal, d'un ba'ir ou d'un autre animal, que ce soit comme un watar, qu'est-ce qu'il a dit, comme un watar, ou bien un collier quelconque, sans l'arracher ou le couper. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie ce hadith après. Selon Abdullah ibn Mas'ud, ça a été rapporté qu'il a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que ar-ruqa wa at-tamaim wa at-tiwala shirk, c'est-à-dire que les incantations ou les incantations qu'on récite pour guérir quelque chose, ou bien les tamaim, c'est-à-dire les porte-bonheur ou les amulettes ou les trucs comme ça, ou at-tiwala. Et at-tiwala, c'est, comme on va l'expliquer plus tard, c'est un genre de charme que les gens portent. Ils pensent que ça peut faire quelqu'un les aimer, ou ça peut séparer entre deux personnes qui s'aiment. Bon, ça c'est relié à la magie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ces trois choses que c'était shirk. Ça c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et c'est authentique. Également, il y a une autre narration ici selon Abdullah ibn Ukaym qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que celui qui accroche quelque chose, qui s'accroche à quelque chose ou qui accroche quelque chose sur lui, eh bien il sera laissé à cette chose. Il sera laissé, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser à la chose à laquelle il s'est accroché. Ça c'est Hassan. Ensuite, il y a une explication du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab au sujet de ces choses-là. Il a écrit At-tama'im shay'un yu'alliqunahu 'ala al-awlad yattaquna bihi al-'ayn. Walakin idha kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi 'anhu. Minhum Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Cheikh, il commence avec, il dit que les tamaim, ça c'est quelque chose que les gens accrochaient sur les enfants et ils mettaient ça sur eux pour les protéger contre le mauvais œil. Et il dit que parmi les salafs, il y en a certains qui ont donné une permission exceptionnelle pour les tamaim qui sont à base de Coran. C'est-à-dire qu'ils sont faits à base du Coran, c'est-à-dire avec des versets de Coran. Toutefois, d'autres salafs ont refusé ça. Ils n'ont pas accepté ça et ils l'ont mis parmi ce qui est interdit. Et parmi eux, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui a interdit ça. Et on va voir le détail en ce qui concerne le désaccord à ce sujet-là. Et après, il dit « وَالرُّقَى هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمِ » وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Donc il dit par la suite que ar-ruqa c'est qu'est-ce qu'on appelle al-azaim et yani c'est haram de les utiliser, que ça fait partie du shirk, excepté ce qui a été précisé par la charia, par le Coran et la Sunna, comme par exemple tous les ruqya qu'on fait à base du Coran ou avec le Coran et avec les du'as qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas shirk et c'est permis de le faire. Toutefois, toute autre forme de ruqya faite par, avec autre que le Coran et autre que les narrations ou les du'as qui ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans le shirk, on n'a pas le droit de les utiliser. Ensuite, at-tiwala, c'est, comme on a dit, il dit, shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'a ila zawjiha wa rajul ila mra'ati. C'est-à-dire, at-tiwala, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il fabrique et il croit que ça fait quelqu'un, ça va faire que la femme va aimer son mari, ou bien que l'homme va aimer sa femme. Des trucs de ce genre. At-tiwala. Il y avait un mot pour ça en français, mais j'ai oublié. Il y a un frère l'année passée, Mohamed, le frère Mohamed somalien, il avait ramené le vrai terme en français, comme on le dit, mais je ne m'en souviens plus. روى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Ça, c'est un hadith qui est également sahih, qui est rapporté selon Ahmed, qui dit, qui est rapporté selon Rouaifir, et qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Rouaifir, il se peut que ta vie se prolonge, c'est-à-dire ça se peut que tu vas vivre longtemps. Alors, informe les gens que celui qui tisse sa barbe, hein, il fait une tresse dans sa barbe, ou celui qui accroche un arc, et celui qui se nettoie après avoir fait ses besoins, il se nettoie avec l'excrément des bêtes, ou bien avec un os, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de lui, n'a rien à voir avec lui. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce hadith aussi. Et selon Saïd ibn Jubayr, قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. Ça a été rapporté selon Saïd ibn Jubayr, qui a dit que celui qui coupe une amulette ou bien quelque chose que quelqu'un porte pour se protéger de quelque chose, eh bien c'est comme si il avait libéré un esclave. C'est équivalent à quelqu'un qui aurait libéré un esclave. Et également, ça c'est rapporté selon Waqir, et selon également Walahu an Ibrahim, قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Également, il y a une narration selon Ibrahim qui dit que les salafs détestaient les tamaim, toutes les formes de talismans ou autres, que ce soit fait avec du Coran ou avec autre chose que le Coran. Ça, c'est une des narrations qui montre qu'ils détestaient tous les tamaim, peu importe leur origine ou avec quoi ils étaient faits. Maintenant, on va commencer à lire l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de chacun de ces hadiths. Le Cheikh, il dit, « قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم هذا الباب ومناسبته لما قبله وهو باب من الشرك لبس الحلقة أو الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك أما هنا فلم يصرح بل قال ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم في الترجمة وإنما يورد الأدلة في الباب ويأخذ منها الحكم مفصلا فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها لأن الأمر خطير جدا. Le Cheikh, il explique et il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ce chapitre qui est qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des ruqa et des tama'im. C'est-à-dire qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de même que les sahaba et les tabi'in, ont rapporté de hadith ou de athar au sujet de l'interdiction des ruqa et des tama'im. Et c'est quoi le rapport ou le lien entre ce chapitre et le chapitre qui est venu juste avant lui, hein, le chapitre qu'on vient d'étudier avant celui-là, c'était quoi? C'était parmi ce qui fait partie du shirk, il y a le fait de porter un collier ou un bracelet ou une corde pour éloigner un mal ou pour le repousser. Et ce chapitre actuellement qu'on était en train d'étudier, c'est un chapitre qui complète ce qui a été dit dans le chapitre précédent. OK? Et on remarque que le cheikh, dans le chapitre précédent, il a clairement indiqué et spécifié que c'était shirk de porter un bracelet ou une corde ou quelque chose dans le but de se protéger d'un mal ou de l'enlever complètement. Il l'a spécifié, il l'a indiqué clairement dans le titre du chapitre. Tandis que dans ce titre ici, on voit qu'il ne l'a pas indiqué spécifiquement. Il a seulement dit ce qui a été dit ou ce qui a été rapporté sur Ar-Ruqa wa Tamaim sans spécifier est-ce que c'est shirk ou non. Et le cheikh Al-Fawzan dit que ça fait partie ou ça montre en réalité la compréhension très précise du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et comment il avait une bonne connaissance rahimahullah du fait que s'il trouve que dans les textes du Coran et de la Sunna ou dans le hadith il y a la mention claire et directe que tel acte ou telle chose est shirk, dans ce cas-là il le spécifie et il le dit spécifiquement dans le titre. Sinon, si dans le verdict il y a des détails, il y a une clarification à faire, ou s'il y a une possibilité que ce soit pas shirk ou que ce soit shirk, dans ce cas-là, il ne le dit pas d'une façon définitive et il ne le spécifie pas d'une façon claire, mais plutôt il fait uniquement expliquer le titre de ce qu'il va parler, puis il ne fait pas un verdict clair sur est-ce que c'est shirk ou non. Et il clarifie à l'intérieur du chapitre les détails de la question. Et ça, on va le voir, on va le comprendre aussi, on le voit dans ce chapitre-là, mais également si vous allez voir dans les autres chapitres qui suivent dans Kitab al-Tawhid, vous allez voir que ça se retrouve dans plusieurs exemples. Que le cheikh, parfois, il mentionne quand c'est shirk, il le dit dans le titre, si ça a été mentionné directement, clairement dans les textes. Sinon, il ne le dit pas de cette façon-là, il va seulement expliquer le sujet, puis il détaille par la suite. Ok, donc c'est pour montrer sa grande compréhension de la religion et à quel point il faisait un grand effort pour éviter de faire des verdicts d'une façon absolue, hein, sans spécifier les cas d'exception ou les endroits où il y avait un besoin de clarification. Et ça, c'est dans le but d'éduquer les étudiants et ceux qui vont étudier l'ilm par la suite pour justement éviter de donner ou d'attribuer à certaines choses des caractéristiques ou des titres ou des choses qui n'en font pas partie ou qui sont pas spécifiées par les textes. Et comme ça, les élèves, quand ils vont, eux, à leur tour étudier ou enseigner ces choses-là, ben ils vont pas dire, par exemple, ça c'est shirk, alors qu'en réalité, il y a des détails. Il y en a des choses qui sont pas shirk dedans, il y en a des choses qui sont shirk. Donc, s'il y en a des choses dedans qui sont pas shirk, tu dis pas dans le titre, voici, ça c'est shirk. Parce que sinon, tout le monde va penser que tout ce qui est compris dans ça, ça fait partie du shirk. Donc, le cheikh, il veut éviter ça. Il veut éviter que les gens fassent des généralisations. Donc, il ne le dit pas que c'est shirk en partant, mais il explique seulement le titre, puis après, en détail, là, il va clarifier. Il y a des choses dedans qui font partie du shirk et il y en a d'autres qui font pas partie du shirk. Bon, le premier exemple, le cheikh, il dit, « وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا كان مشهورا بكنيته ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر. Donc ici il dit que c'est rapporté selon Ibn Abi Bashir al-Ansari, et ça c'est un sahabi qui est connu par cette kunya, c'est sa kunya Abi Bashir. Abu Bashir al-Ansari. Et son... Non, Abu Bashir. Abu Bashir al-Ansari. Son nom n'est pas connu. Il était uniquement connu par sa kunya. Hein? Et c'est pour ça qu'il ne mentionne pas son nom. Et le cheikh il dit que Ibn Abdul Barr, un des grands imams, un des grands ulama de l'islam, qui vivait en Andalousie, vers le 5e siècle, eh ben, il a expliqué ça dans un de ses livres, qu'il n'est pas connu par son nom, il est uniquement connu par sa kunya. Ensuite, il dit أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ولم يعين هذا السفر. قال الحافظ لم أقف على تعيينه. Le cheikh il dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages et il n'a pas spécifié dans quel voyage exactement il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, Al-Hafiz ibn Hajar il dit, je n'ai pas non plus, hein, Al-Hafiz ibn Hajar c'est qui? C'est le Sharih, celui qui a écrit le Sharh de Kitab al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, dans son livre Fath al-Bari. Donc, dans l'imam Al-Hafiz ibn Hajar, il dit, je n'ai pas trouvé un endroit où c'était spécifié non plus. D'accord? Donc, on ne sait pas exactement c'était dans quel de ses voyages, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَيْ مَنْدُوبًا أَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَهِ يَبْقِيَنَّ أو يَبْقَيَنَّ يؤكد بالنون التأكيد الثقيلة وقلادة فاعل كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضرر والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية ويقرر التوحيد والقلادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وَالْقِلَادَ مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ. Le cheikh il dit qu'il a envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager, c'est-à-dire il a envoyé un représentant, hein, un sahabi qui allait le représenter puis faire une mission pour lui. Et sa mission c'était quoi? C'était qu'il ne laisse sur le cou d'aucune bête, hein, un collier. Et le mot qui a été utilisé, la yabqayanna, c'est confirmer et raffermir le sens par le noun dans l'arabe qui est pour, disons, mettre plus d'emphase et plus c'est quand on veut insister sur quelque chose dans la langue arabe, hein, c'est pour dire que, yani, pour mettre plus d'importance sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en utilisant cette forme, hein, de la langue arabe, la yabqayan. Hein? Il aurait pu juste dire, yani, qu'il ne laisse rien, mais il a insisté de cette façon-là. Et c'est-à-dire que le cheikh il explique que les gens avant l'islam, ils avaient cette habitude-là, ça fait partie des habitudes de la jahiliya, qu'ils mettaient des colliers dans le cou des animaux, dans le cou des chameaux, ok? Et ils croyaient qu'en mettant ces colliers-là dans leur cou, ça éloignait le mal. Ils n'allaient pas tomber malades, ou bien ils n'allaient pas se faire mal, ou des trucs comme ça. Et le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu éliminer cette tradition de la jahiliya chez les Arabes. Donc, il voulut donc établir le tawhid en leur expliquant que il faut couper ces colliers-là qu'on met autour des, bêtes ou dans le cou des bêtes. Ok? Al-qilada en arabe c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans le cou? C'est comme une chaîne ou bien un collier ou quelque chose de ce genre. C'est plutôt un collier. Hein? Cheikh il dit ensuite, wal-watr bi-fath al-waw. المراد به وتر القوس والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام. D'accord. Et il dit وكانوا في الجاهلية إذا أخلق الوتر أخذوه وعلقوه على رقاب الدواب وأبدلوه بوتر جديد يعتقدون أن هذا الوتر قديم القديم الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العين عن الإبل. Il explique que, comme dans le hadith c'est écrit, qilada min watrin, il dit que al watr c'est quoi? C'est en fait c'est comme qu'est-ce qu'on utilise avec un arc pour lancer des flèches. Donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que quand ils avaient utilisé un arc pour lancer des flèches, quand ils en avaient pris un nouveau, ils gardaient l'ancien puis ils l'accrochaient dans le cou des chameaux pour les protéger contre le mauvais œil ou des trucs de ce genre. Ok? Et donc, c'est ça qu'ils avaient comme tradition. Et ensuite, donc, c'était pour détruire cette tradition de Jahiliya. Après, il dit wa qawluhu aw qilada hadha shakk min ar-rawi. Hal ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qal qiladatan min watar aw قلادة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غيره وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية. Le Cheikh il dit que dans le hadith ça a été dit par le narrateur qu'il ne laisse pas dans le cou d'un chameau ou d'une bête un collier fait avec une arc ou bien un collier quelconque, n'importe quelle sorte, sans la couper. Oui. Le noun c'est pour ta'kid, noun ta'kid c'est pour mettre plus d'un comment je pourrais dire, pour insister sur la signification. Ouais. C'est dans les formes de la langue arabe, dans les verbes, on utilise le noun ta'kid. C'est pour confirmer quelque chose. Hein? Bon, quand dans le Coran, par exemple, tu vois un verset, la tadkhulunna, hein? On peut dire la tadkhulu, vous allez rentrer. Mais la tadkhulunna, c'est oui, certes, vous allez rentrer. C'est comme encore plus fort que juste dire, hein, vous allez rentrer, dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire, hein, la yabqayanna, certes, vous n'allez rien laisser du tout. Il y en a de ces choses-là, des colliers dans les coups des bêtes, si c'est mis si c'est ce genre de collier que les gens mettent avec cette aqida qu'ils ont. Et ça, c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit, pourquoi on retrouve dans ce hadith la mention du aw qilada, ou bien un collier quelconque, ou bien un collier fait avec un arc, ou bien un collier quelconque? C'est parce que le narrateur a douté, est-ce que c'était ça ou l'autre? Et le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que, donc, étant donné qu'il a un doute, il mentionne les deux, et ça fait partie de la précaution que les sahaba avaient dans la narration des hadiths. C'est qu'ils avaient peur de se tromper, alors ils mentionnaient, quand ils avaient un doute, ils disaient qu'ils avaient un doute pour éviter de dire des choses qui ne sont pas certaines. Ils mentionnaient les deux possibilités. Soit que c'est un collier fait avec le water, ou bien c'est n'importe quelle autre chose qui est accrochée dans le cou des bêtes, sans que ce soit avec un water ou bien avec autre chose. زوا على كل حال فيه دليل على المنع أو على منع هذا الشيء من أي نوع كان سواء كان من وتر أو من غيره ما دام المقصود منه عقيدة فاسدة حتى ولو كان من السيور أو من الخيوط أو من الخرز أو من الخرز أو من غير ذلك كل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى للبيت العتيق فلا حرج فيها. Le Cheikh il dit que peu importe que ce soit fait avec un watar ou avec autre, toute forme de collier qui est porté dans le but de supporter cette fausse aqidah, c'est-à-dire que tu mets dans le cou de la bête un objet ou un collier pour protéger soi-disant cette bête contre le mauvais œil ou contre une maladie ou quelque chose de ce genre, ça rentre dans ash-shirk, et donc c'est interdit de le porter ou de faire porter ça à une bête, peu importe que ce soit une amulette ou un collier ou avec des baies ou des perles ou n'importe quel autre objet que tu vas mettre dans le cou de l'animal ou d'une personne avec cette intention-là et avec cette croyance-là. Oui, c'est ça. Non. Si c'est pour une décoration comme une chaîne qu'une femme porte dans son cou pour embellir, ça c'est permis pour une femme. Parce que les chaînes, c'est pour une décoration. Si c'est pour comme une chaîne en or ou des trucs comme ça. Ouais. Bon, en ce qui concerne les chaînes avec le nom d'Allah ou avec Ayatul Kursi, comme certains, il y a des femmes, elles mettent des bijoux, puis dessus avec le nom d'Allah, ou bien une sourate comme Ayatul Kursi, des choses comme ça, ça c'est pas permis de mettre le nom d'Allah ou avec Ayatul Kursi dans le cou. Parce que la majorité du temps, ces femmes-là, elles le portent, puis quand elles rentrent aux toilettes, elles ne l'enlèvent pas. Et le nom d'Allah, il faut qu'il soit respecté et honoré. Et tu ne dois pas le mettre quand tu rentres aux toilettes. Et c'est certain que ces filles-là, elles ne vont pas l'enlever pour le laisser dehors de la toilette avant de rentrer. Bien entendu, si c'est en or, elle ne voudra pas se le faire voler. Donc, ce n'est pas respectueux de porter le Coran de cette façon-là ou bien le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elles peuvent mettre une chaîne ordinaire en or dans son cou, il n'y a pas de problème, mais éviter de porter quelque chose qui contient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dessus, pour éviter de lui manquer de respect. Ok, mais comme on dit, si c'est pour un collier, juste un collier normal, que quelqu'un porte pour décoration, et il n'y a pas d'aqidah reliée à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas relié avec la croyance que ça te protège contre un mal ou des choses de ce genre, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hein? Comme le cheikh, il mentionne, il dit l'exemple que comme si c'est un collier que les gens portent pour tirer les bêtes. Hein? Tu lui mets juste une corde dans le cou pour la tirer, comme par exemple quand tu tires une bête pour l'amener durant le hajj, tu l'amènes pour sacrifier. Hein? Quand tu t'en vas à faire le hajj, tu tires la bête par le cou avec cette corde, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le genre de corde ou de collier que les gens mettent dans le cou avec cette aqida ou cette croyance qu'ils protègent la bête contre un mal quelconque, ça, dans ce cas-là, ça c'est shirk, ça c'est pas permis. Et à la fin du hadith, ça mentionne, ça dit « illa quti'at », c'est-à-dire il ne faut pas laisser ces colliers-là qui sont mis dans le cou des bêtes, excepté qu'on doit les couper. Hein? Il faut les couper absolument. C'est-à-dire on ne doit pas les laisser dans le cou des bêtes. Et il dit هَلَا فِيهِ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ هَذَا الْمُنْكَرِ فِي الْعَقِيدَةِ فَإِنَّ إِزَالَتَهُ مُؤَكَّدَةِ. Cheikh il dit que ça fait partie de changer le mal ou enlever le mal. Comme l'islam nous demande de changer quelque chose quand il est mal, de l'enlever. D'accord? Et en particulier quand c'est un munkar qui est dans al-aqida, qui a un rapport avec la croyance. C'est encore plus important de l'enlever dans ce cas-là, parce que ça c'est relié avec la croyance islamique. C'est-à-dire que c'est relié à quelque chose qui contredit la croyance islamique, pour être plus précis. Et le cheikh dit « Wa fihi anna al-hakim » أو الإمام يرسل نوابا عنه في إزالة المنكر وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه. Le Cheikh explique que le dirigeant, il peut envoyer quelqu'un comme un messager ou un émissaire, quelqu'un qui va en son nom pour enlever le mal à sa place. C'est pas nécessaire qu'il parle lui-même. Et la preuve de ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il n'est pas parti lui-même pour faire cette mission-là, mais il a envoyé un de ses compagnons pour le faire. Donc ça, ça nous montre qu'un dirigeant musulman, ou l'imam des musulmans, il peut envoyer des gens pour leur faire faire des missions de ce genre. C'est pas nécessaire qu'il le fasse lui-même en personne. Ensuite, le cheikh dit, « وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين أو لأنه يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى وليس القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع وليست سببا في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Le cheikh il explique et il dit, qu'est-ce qu'on veut prouver par ce hadith? On veut prouver que d'accrocher des colliers sur les coups des animaux ou sur le cou des êtres humains avec l'intention de repousser le mauvais œil ou de repousser le mal, alors que ce n'est que Allah qui peut le repousser et non pas ces colliers-là, donc ça c'est interdit dans la charia et ça rentre dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui peut repousser le mal, ce mal, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui peut t'amener un bien excepté Allah subhanahu wa ta'ala fondamentalement. Donc ces colliers là ils n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes, ils sont inertes, ils sont pas vivants, ils ont rien, aucun pouvoir en eux-mêmes, ils ne peuvent même pas avoir un pouvoir pour se protéger eux-mêmes contre un mal ou pour amener un bien. Alors comment ils pourraient amener un bien et protéger d'un mal pour les autres, d'accord? Donc dans ce sens-là, il ne faut pas mettre notre confiance en ce genre de choses, mais mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces objets-là ne sont pas des moyens non plus qu'on peut utiliser pour se protéger contre un mal. Ce ne sont pas des asbab, hein. Ce ne sont pas des causes ni des moyens. Tout ça appartient à Allah et c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans le verset 107 dans Surat Yunus, il dit, si Allah te prend par un mal, personne ne peut l'enlever de toi excepté lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te veut un bien, alors personne ne peut l'éloigner ou l'enlever. Hein? Personne ne peut rejeter son bien ou sa grâce de toi. Et il fait tomber sa grâce sur qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Et il dit dans le verset 2 dans Surat Fatir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur les gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Hein? Personne ne peut la retenir, cette miséricorde. Et si Allah subhanahu wa ta'ala la retient de toi, cette miséricorde, il te l'éloigne, il l'éloigne de toi ou il la retient, eh bien personne peut la ramener sur quelqu'un ou l'envoyer sur quelqu'un après lui. Et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Et il dit dans le verset 38, dans Surat Az-Zumar, dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal, est-ce que ces idoles ou c'est ce que vous prenez comme associé avec Allah, est-ce que celles-là peuvent me ramener, hein? Est-ce que celles-là peuvent m'éloigner de ce mal ou éloigner ce mal de moi? Et si Allah me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent retenir cette miséricorde de moi? Dit, certes c'est Allah seul qui me suffit et c'est en lui qu'on doit mettre notre confiance. Ensuite, le cheikh dit, وَقَالَ وَعَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ابْنُ غَافِلِ الْهُذَلِي الصحابي الجليل من أئمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وقال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد. OK. Et ensuite il dit: Wa qad amarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yaqra'a alayhi fa qala ya rasulullah kayfa aqra'u alayk wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri wa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال فالتفت إليه فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. نعم. Donc il parle un petit peu maintenant de Abdullah ibn Mas'ud. C'était qui Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud, son nom c'est Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Hudali al-Sahabi al-Jalil. C'est un grand sahabi. Il fait partie des imams de ilm, c'est-à-dire c'était un des plus grands savants de l'islam parmi les sahaba. Hein, et il était parmi les plus célèbres pour sa récitation du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, disons, aimait beaucoup sa récitation du Coran. Pardon, je pense. Juste m'asseoir. Je suis pas confortable. Non. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup sa récitation. Et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au sujet d'Abdullah ibn Mas'ud, celui qui veut entendre le Coran, raddan tariyan, c'est-à-dire qui veut l'entendre comme il a été révélé, alors qu'il écoute la récitation de Ibn Ummi Abd. Ça c'était un de ses noms aussi, on l'appelait Ibn Ummi Abd. Et il dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de lui lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, récite le Coran pour moi. Et le prophète Mohammed Abdullah ibn Mas'ud a dit, mais comment je récite le Coran pour toi alors que c'est sur toi qu'il est révélé, hein? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aime l'entendre d'autres que moi. C'est-à-dire, j'aime entendre d'autres personnes me le réciter. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il a récité. Et il a dit, j'ai récité pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à partir du début de Sourate An-Nisa jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où Allah dit, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivé à ce moment-là ou à cet endroit-là, il a dit ça suffit. Et il s'est Abdullah ibn Mas'ud dit je me suis tourné et j'ai vu que les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient laissé couler des larmes. OK. Et ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est comme si, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir pour chaque nation un témoin, et qu'on va te faire venir toi comme témoin pour ceux-là. Hein? En voulant dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand lui, il va être amené comme témoin pour sa nation à lui. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud est arrivé à ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça suffit. Et il a vu que les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient laissé couler des larmes. والشاهد من هذه من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من أوعية العلم وكان له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكان مفتيا من مشاهر المفتين من الصحابة كان وكان يقال له صاحب السواد لأنه كان يحمل نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit que ça c'est pour montrer en fait le mérite d'Abdullah ibn Mas'ud et que c'était une des bases de ilm, il avait beaucoup de ilm, c'était comme un contenant de ilm et il avait beaucoup, il a eu aussi beaucoup de narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, il faisait partie des muftis. C'est-à-dire, c'était un parmi les sahaba qui faisait des fatawas, qu'on venait le questionner au sujet des questions qui ont rapport avec l'islam, et il répondait, et il donnait des fatawas. Donc, ça veut dire qu'il faisait partie des grands ulama parmi les sahaba qui faisaient des fatwas. Et on l'a appelé Sahib al-Sawad, parce que c'était lui qui portait les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahib al-Sawad. Na'am. Il dit fafadailuhu kathira radiyallahu anhu wa kana min as-sabiqin al-awwalin. Il a beaucoup de mérite ce sahabi là et il fait partie des premiers parmi les musulmans. Il a été parmi les premiers à se convertir à l'islam. Le cheikh il dit وفي بعض الأسفار أنه صعد شجرة وكان نحيلا فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقه أو ساقيه ولهما في الميزان أثقل من جبل أحد. Ça, c'est une des narrations qui ont été dites à propos de Abdullah ibn Mas'ud. Ça a été rapporté qu'il est monté dans un arbre une fois. Il est monté dans un arbre et, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les sahaba ont vu ses jambes. Il avait les jambes très minces. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il avait des jambes très très très minces. Alors, les sahaba se sont mis à rire de la minceur de ses jambes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, est-ce que vous vous moquez de la dernière de ces gens parce qu'elles sont très minces? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, ces jambes sont plus lourdes dans la balance au jugement dernier, ces jambes sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Donc c'est pour dire que le poids des hommes au jugement dernier, il ne va pas être établi de la même façon qu'on établit le poids d'une personne aujourd'hui parmi les êtres humains dans cette dunya. Quelqu'un dans ce monde peut être très très gros et très très lourd, et dans la balance au jugement dernier, il ne pèse même pas le poids de l'aile d'une mouche. Tandis qu'un musulman, il est vraiment maigre et petit et léger, et il pèse comme Abdullah ibn Mas'ud, il pèse plus que la montagne de Uhud. Et ça, bien entendu, c'est par rapport à ses bonnes actions et par rapport à sa foi. Donc les balances de l'akhirah sont pas, c'est pas comme les balances de cette dunya. OK? Elles sont pas comparables. Et c'est pas les mêmes choses qui sont pesées dans ces balances-là. C'est les bonnes œuvres et la foi. Non. Uhud, non. C'est une grosse montagne qui est à Médine. C'est beaucoup plus gros que le Mont Royal. C'est gigantesque. C'est une chaîne même. C'est presque une chaîne de montagnes. Moi, quand j'ai vu Uhud, j'étais étonné vraiment. Non, Ma'arakat Uhud. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, là où il y a eu la bataille de Uhud, c'est là, mais. La montagne de Uhud est derrière cet endroit-là, et c'est gigantesque. C'est pas une petite montagne du tout. C'est géant. Donc on la voit de loin, on la voit de partout en fait, cette montagne de Uhud. quand on est à Médine. Et donc, quand, Inch'Allah, quand vous allez partir là-bas, je pense qu'il y a des frères qui l'ont vu déjà. Quand vous allez là-bas, vous allez voir, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Uhud, vous allez savoir que c'est ça de quoi il parle. Naam. Donc, ça c'est ça. Puis après, il dit wa sababu dhikr Abdullah ibn Mas'ud li hadha al-hadith أنه رأى على امرأته زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها وقال لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك قالت إن عيني كانت تطرف فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتكف وإنما ذلك قال رضي الله عنه إنما ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقي كفه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك فهو لما قطع هذا الخيط أنكر على زوجته هذا الفعل وذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة شرك وسيأتي تفسير هذه الثلاثة. Le Cheikh il dit que la raison pourquoi ce hadith là a été mentionné au sujet de c'est-à-dire le hadith qui a été rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud que ar-ruqa les incantations, les tamaim et les tiwala, tout ça, ça, c'est dans le shirk, ça rentre dans le shirk. C'est parce qu'il est rentré une fois et il a vu sa femme avec une corde dans son cou. Et quand il a vu ça, il a dit, vous êtes, en parlant de sa famille, vous n'avez pas besoin du shirk. Vous devez vous libérer du shirk. Et elle a expliqué sa femme qu'elle avait un œil qui... Ouais, il bouge son œil ou il clignote, avec comme peut-être sa paupière qui tremblait. Puis à cause de ça, elle est allée voir un juif et le juif lui a fait une incantation, il lui a récité quelque chose sur son œil. Puis après, s'est arrêté. C'est ce que sa femme a dit. Alors Abdullah ibn Mas'ud il lui a répondu en disant, ça c'était un shaitan qui touchait comme ça avec son doigt dans ton œil pour le faire trembler. Puis, lorsque le juif a récité ça sur ton œil, il s'est arrêté de le faire. Hein. Et des fois, le shaitan, il fait ça. C'est pour amener les gens à faire le shirk. Quand il arrête, c'est pas pour dire que, par exemple, il arrête parce que ça fonctionne. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Mais au contraire, c'est pour que les gens tombent dans le shirk et pour que les gens soient satisfaits du shirk. Donc quand la femme va et qu'elle commet le shirk, par exemple, en ayant recours à ces méthodes-là, eh bien le shirk, le shaitan est satisfait et donc il arrête de le faire. Hein? Parce que son but c'était juste de faire tomber la personne dans le shirk. Une fois que la personne elle l'a fait, ça y est, c'est fini, il la laisse et il s'en va. D'accord? Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il lui a expliqué, il lui a dit que ça, c'était le shaitan qui faisait ça, et quand il a fait le ruqya sur elle, eh ben, il s'est en allé le shaitan, et donc, il lui a mentionné les paroles du prophète qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que ar-ruqa et at-tama'im et at-tiwala, tout ça, ça fait partie du shirk. Et il a donc coupé cette corde, que sa femme portait, et il a expliquer à sa femme que c'était pas correct de porter ce genre de choses-là, et il lui a mentionné la preuve des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et on va expliquer ces trois choses-là, ash-shirk, at-tiwala wa ar-ruqa wa at-tama'im, qu'est-ce que c'est dans ce qui suit inshallah. Cheikh il dit wa qala anhu marfu'an. طيب وقال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا عبد الله بن عكيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخ مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه سواء قلادة أو تميمة أو حرزا من الحروز أو خيطا أو حلقة يعني علق قلبه بشيء أي شيء فيظن أنه ينفع ويضر وكل إليه وكله الله إلى ما تعلق به هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإهانة له من الله عز وجل لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك أما من توكل على الله وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره أما من اعتقد بغيره فإنه يكله إليه ويتخلى عنه ويكله إلى حلقة من صفر أو خيط أو تميمة أو ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة ويكله إلى من اعتقد فيه. Le Cheikh il explique que ça c'est une parole qui est rapportée par ou selon Abdullah ibn Ukaym et c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit marfou'an, le terme marfou'an ça on l'utilise quand quelque chose est attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nam Ukaym avec un ayn Ukaym Abdullah ibn Ukaym et il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie sauf que il n'a pas c'est pas confirmé qu'il a entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toutefois il l'a rapporté en l'attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dans ce cas là on peut dire que c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme on a dit tout à l'heure ça c'est un hadith qui est hassan. من تعلق شيئا وكل إليه ça veut dire celui qui accroche quelque chose sur lui ou qui s'accroche à quelque chose c'est-à-dire il accroche son cœur à quelque chose il sera livré à cette chose hein, c'est-à-dire Allah le laissera avec cette chose là sur laquelle il s'est accroché. Non. مرفوع ok dans le mustalah, dans le hadith, quand on dit que quelque chose est marfou, ça veut dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit ou qui l'a fait. Ça a été ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marfou. Marfou, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? C'est quelque chose qui est monté ou élevé. Ok? Et donc, quand tu dis que quelque chose est marfou, ça veut dire qu'il est ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a différentes façons qu'on peut établir que quelque chose est marfou. Mais quand tu dis marfou, ça ne veut pas dire qu'il est authentique. Quelque chose peut être marfou puis qu'il est daïf. Ok? Ou même maudou. Mais quand c'est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il est marfou. Ok? Et dans le cas présent, c'est marfou. Des fois, marfou, il peut être marfou parce que c'est clairement indiqué dans les paroles. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Ou on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, ou bien des fois c'est le hukum, le verdict qui est attribué à la parole ou au hadith comme étant marfou. Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Comme par exemple, si les sahaba disent nous marchions ou nous faisions telle chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un sahabi qui parle de quelque chose qui a rapport avec al-ghayb et il ne l'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des ulama ils disent quand un sahabi fait ça, c'est marfou parce qu'il ne parle pas de ça de sa propre tête, parce qu'il ne peut pas dire ça de lui-même. Donc, il le considère marfou. Bon, tout ça, on y reviendra peut-être une autre fois dans un autre dars, mais c'est juste pour vous dire que yani, il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith. Et ça dit que celui qui accroche quelque chose sur lui, que ce soit un collier ou une amulette ou une pochette ou n'importe quoi, yani, qu'est-ce que les gens peuvent porter sur eux-mêmes, ou une corde, hein, ou un bracelet, n'importe quoi que les gens mettent sur eux-mêmes et ils pensent que ça peut leur profiter, leur faire un bien ou les éloigner d'un mal, alors la punition pour ça, comme c'est mentionné dans ce hadith, c'est qu'ils seront livrés à cette chose. Ils seront laissés avec cette chose-là. Parce qu'ils ont mis leur confiance en cette chose. Donc, Allah, pour les punir, il les laisse, il les livre à cette chose sur laquelle ils ont mis leur confiance. Et ça, c'est une punition d'Allah. Et c'est une humiliation d'Allah pour ces gens-là. Hein? Parce que celui qui sait, hein, celui que, si Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh dit, si Allah laisse quelqu'un, hein, et l'abandonne, alors c'est sûr qu'il va périr. Mais celui qui met sa confiance en Allah seul, hein, Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de ses affaires à sa place. Il va l'aider dans ses affaires. Hein, comme le Cheikh il dit. وَأَمَّا مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَوَلَّ أَمْرَهُ. Celui qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va s'en occuper de ses affaires, il va l'aider dans ses affaires. Mais celui qui met sa confiance en autre que Allah et qui pense que autre que Allah va l'aider comme un collier ou quelque chose comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va le livrer à cette chose-là et il l'abandonne avec la chose à laquelle il s'est accroché. OK? Que ce soit un bracelet en cuivre, ou une corde, ou une amulette, ou un wali, ça peut même être un être humain aussi, si quelqu'un met sa confiance en un être humain, ou en une tombe, ou en n'importe quoi, un sanctuaire, une zawiya, n'importe quoi, quelqu'un met sa confiance en quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il croit que ça peut le nuire, ou que ça peut lui profiter, ben automatiquement, yani Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne avec cette chose. C'est les endroits où les soufis se réunissent pour faire leurs études et leurs bid'ah et leurs zikr et leurs autres affaires, oui. Mais des fois, ça... Et quand ils meurent, souvent, ils sont enterrés dans ces endroits-là. Et c'est là qu'ils vont faire leur pèlerinage. Alors, lorsque c'est l'anniversaire du Wali, chaque année, ils vont se réunir à cet endroit-là, puis ils font des cérémonies, toutes sortes de trucs aussi, à ces endroits-là. Et non, ils égorgent un animal, ou bien ils font le tawaf à cet endroit-là, ou des trucs de ce genre. Tout ça, ça, c'est des formes de shirk. Nasallallahu al-afiya. Amin. Après, le shirk dit, « Fahada fihi khatarun azim ». هذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله وحده وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله ويتوكل على الله مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله سببا كالدواء المباح وغير ذلك من الأسباب المباحة ولكن القلب يتعلق بالله. Le Cheikh dit que ça, ces choses-là, le fait de s'accrocher le cœur à autre que Allah et de mettre notre confiance en des objets comme des colliers ou des porte-bonheur ou des trucs de ce genre ou des amulettes ou des trucs de ce genre ou bien des êtres humains comme on a dit, eh ben ça c'est très dangereux. Et donc dans ce hadith on voit que il y a donc c'est comme si on nous incite à attacher notre cœur et accrocher notre cœur, hein, à mettre notre confiance en Allah seul et que on ne doit pas croire en autre, yani mettre notre confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit croire que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous amener un bien. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous protéger d'un mal. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui peut nous guérir. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le risque. C'est Allah qui donne et c'est Allah lui seul qui retient. quelque chose. Donc, il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut donc également prendre les bons moyens, les moyens qui sont permis dans l'islam, qui sont légaux dans l'islam, pour arriver à atteindre un bien ou à s'éloigner d'un mal, à condition que Allah ait fait de ces moyens-là ou de ces causes-là des causes réelles et des causes légales dans la charia. Comme par exemple, si tu utilises un médicament qui est permis dans l'islam, il n'y a pas de problème. Tu prends les moyens nécessaires pour te protéger d'un mal ou te guérir d'une maladie que Allah a permis, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. Tant que c'est un moyen, une cause permise et légale. Toutefois, même dans ces cas-là, tu accroches toujours ton cœur à Allah, tu mets toujours ta confiance en Allah. Tu ne vas pas te dépendre uniquement sur le médicament puis oublier Allah subhanahu wa ta'ala, comme si ce médicament-là, il fait effet par lui-même. Tu sais que si tu prends ce médicament ou ce remède, il peut uniquement être bénéfique et être bon pour toi ou te guérir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ta confiance, tu la mets en Allah subhanahu wa ta'ala. Et non. Et oui, c'est ça. Parce que peut-être que quelqu'un prend un remède, puis il ne guérit pas. Hein? Donc, tu prends les démarches légales, nécessaires, et le reste, le succès, dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne mets pas ta confiance en autre qu'Allah. Cheikh dit, وَقَوْلُهُ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ تَعُمُّ كُلَّ شَيْئٍ يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو جن أو إنس أو غير ذلك ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضر والقرآن يقرر هذا في آيات كثيرة. الشيخ dit que celui le quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui met ou qui s'accroche à quelque chose, il sera laissé à cette chose ou qu'il sera livré à elle. Ça, c'est une règle générale. Et ça englobe ou ça comprend tout ce sur quoi l'être humain accroche son cœur, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un être humain, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit une tombe, que ce soit un bracelet, une corde, une amulette, un djinn, un être humain, n'importe quoi. Yani, c'est pas nécessaire que ce soit juste un objet. Ça peut même être un être humain ou autre. N'importe quoi. Allahu a'lam yani. N'importe quoi que tu... C'est-à-dire quelque chose en laquelle tu mets ta confiance. Si tu mets ta confiance en quelque chose, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, c'est comme si tu es abandonné. Allah t'abandonne à cette chose. Et il te laisse à cette chose. Et ça, c'est comme une punition. Et on voit, comme le cheikh a dit dans les cours précédents, on voit que des gens qui retournent vers ces remèdes-là ou vers ces moyens-là pour se guérir d'un malaise ou d'une maladie ou quelque chose ou pour se protéger contre un mal, tu vois que souvent, c'est ces gens-là qui sont les plus faibles, les plus malheureux, les plus tristes, parce qu'ils ont mis leur confiance en autre qu'Allah. Et comme punition de ça, Allah les a abandonnés à ces choses-là. Et il a fait que le malheur pour lequel ils cherchaient un refuge retombe sur eux. Donc, le cheikh dit que dans ça, il y a donc, dans ce hadith, il y a donc l'ordre de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de se reposer sur notre confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour faire venir un bien ou pour repousser un mal. Et ça, c'est confirmé par le Coran dans plusieurs versets. Donc nous, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour ce qui est de ce chapitre et on continuera, bi'ivnillah, la semaine prochaine dans l'explication de la suite de ce chapitre, inshallah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.